and the City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présenté par Jérôme. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, car on se retrouve une nouvelle fois pour un épisode inédit de Music and the City, et ce pour une demi-heure de folie. Oui, j'ai bien dit de folie, car la programmation de ce soir mettra à l'honneur des artistes à la personnalité bien marquée. Notamment un youtubeur américain, j'en ai déjà parlé, vous allez le reconnaître, en passant également par une crinière de feu de la télé-réalité francophone. Ouais, j'ai dégoûté du lourd pour cette semaine. Et pour débuter, un look androgyne, une musique pop-rock, c'est Jack Strifey, l'ex-leader du groupe Cinéma Bizarre que je vous ai fait découvrir la semaine dernière. Et pour ce soir, j'ai choisi le premier single solo de sa carrière, à savoir Hello, We're the Only One. Alors pourquoi ? Parce que j'adore cette chanson et surtout parce qu'elle va vous plaire, j'en suis sûr. On est ensemble jusque 20h, une très belle soirée de musique sur Fadjet. Évadez-vous sur Fadjet dans Music and the City. Qui dit personnalité haute en couleurs dit forcément Lady Gaga, c'est presque un synonyme. Ou la gargouille, comme j'aime à la surnommer affectueusement. Parce qu'elle a quand même eu pour habitude de nous présenter des modes inédites, voire improbables. Hein. Robe de viande, on s'en souviendra. un petit peu à l'image de sa musique, qui est un subtil mélange de plusieurs styles. Celle qui a débuté avec des titres tout public il y a déjà une dizaine d'années, des titres comme Poker Face ou Just Dance, eh bien Lady Gaga a très vite bifurqué dans le tout et n'importe quoi. Mais c'est surtout une marque de fabrication de l'artiste et peut-être une possible quête d'identité musicale, on ne sait pas. En tout cas, en 2013, un nouvel album haut en couleur, Art Pop, et dedans, dans cet album-là, un excellent titre en qualité de single promotionnel, il n'y a pas eu de clip malheureusement, c'est le titre Venus. C'est clairement la meilleure chanson de cet album, ça reprend tous les codes de Lady Gaga de ses débuts, une très bonne direction musicale, ça m'a énormément plu. Et j'espère que ça va vous plaire également, vous connaissez cette chanson, je pense, mais je vous propose de la redécouvrir ce soir, enfin ce soir, dès maintenant même. The City vous fait découvrir des thèmes ensoleillés sur Fadjet. L'artiste qui suit est un ovni dans le paysage musical mondial, voire même dans le paysage médiatique tout court. Cheveux longs ou parfois roses, rose et bleu, pardon, ça dépend un petit peu de comment il a envie de se maquiller le jour-là. Corps très mince, longiligne, des traits féminins, traits TRAITS, bien sûr, maquillé un peu comme une bagnole volée, une voix grave à vous réveiller des morts. C'est une description très atypique, je le conçois, pour un chanteur très atypique également. C'est Jeffrey Star. C'est impossible d'arriver à lier un physique et une voix sur cet artiste tellement tout est en inadéquation. Et pourtant, ce style m'a plu, un style unique, dès la première seconde d'écoute. J'aime un petit peu tout ce qui sort de l'ordinaire. Vous commencez à le savoir dans cette émission, et là je pense que vous n'allez pas être déçus. Il y a eu un premier et unique album en 2009, et Jeffrey Star a tenté un retour en 2013 avec le titre « Love to My Cobain », mélangeant des guitares acoustiques et de l'électro, une sauce bien épicée. C'est un subtil mélange des genres, une fois encore. Avec une voix d'outre-tombe, je le redis, c'est impressionnant. Vous mettrez un clip sur le Facebook, vous n'allez pas en revenir entre le physique et la voix. En tout cas, c'est « Love to My Cobain » sur Fatjet dans « Music and the City », et c'est unique en son genre. I want a love so good that it'll make me sick to touch, but I need it. You are the love to my Cobain, blood to my blade, and you're no good for me, baby, no good. You are the pin in my grenade, can't pull you away. And you're no good for me, baby, no good. Give me kisses again. Never gonna quit my addiction, and I like it, keep me so conflicted. And I like it even when you hit it. La-da-da, da-da-da. Take it up a notch, I might need stitches. Keep it dirty just like Sid Vicious. I know you wanna lick my delicious. Da-da-da. You are the love to my Cobain, blood to my blade. And you're no good for me, baby, no good. You are the pin in my grenade, can't pull you away. And you're no good for me, baby, no good. Give me kisses again, again, again, again. So good that it'll make me sick to to touch, but I need it. Don't tease or I'll bleed. Uh-oh, don't tease or I'll bleed. Yeah, don't tease or I'll bleed. Yeah, don't tease or I'll bleed. You are the love to my Cobain, blood to my blade. And you're no good for me, baby, no good. You are the pin in my grenade, can't pull you away. And you're no good for me, baby, no good. You are the love to my Cobain, yeah, yeah, yeah, yeah. Kiss me again, again, again, again, again. You are the love to my Cobain, yeah, yeah, yeah, yeah. Give me kisses again. Music in the City sur Fadjet. Leave Britney alone. Vous connaissez ce slogan. Le premier buzz de YouTube il y a déjà 10 ans. Et si aujourd'hui la folie de Chris Crocker s'est un peu calmée, il n'en est pas moins toujours sur les devants de la scène. Lui, le jeune homme a 29 ans aujourd'hui et vient de proposer un nouvel album la semaine dernière. Niveau excentricité, on ne peut pas dire qu'il a envie à quelqu'un que ce soit. Hein. Je perds un peu ma voix là ce soir, oulala. Bon, je ne sais pas encore ce que vaut ce nouvel album, je n'ai pas encore eu le temps de l'écouter, mais je peux vous dire, en tout cas, qu'en 2010, quand le clip de la chanson Freak of Nature est sorti, ça a été censuré par un contrôle parental partout sur les plateformes de vidéos en ligne. Pourquoi ? Parce que sadomasochisme, parce que sexe et parce que rock'n'roll. Rien ne semble arrêter la rébellion de Chris Crocker. Moi, je vous invite tout de suite maintenant à sortir vos barres de pole dance. Si, si, si, vous êtes en train de faire à manger, mais vous pouvez sortir ces barres de pole dance parce que Freak of Nature de Chris Crocker débarque dans Music in the City et ça, c'est énorme. It's Chris Crocker. They say I'm a freak of nature and I think they're right. I want you now and I ain't asking you, bitch, please. Now I'm too proud and you're down begging on your knees. I think it's hot when I pin you down, pull your hair. I'll have you screaming like a freaking nightmare. Getting ready for the club, sexy, but it isn't love. I'm just freak, freak, I'm just a freak, freak. Thrust our bodies up and down, wanna kiss your playground. I'm just a freak, freak, I'm just a freak. Baby, read my lips, I'm a freak of nature. Wanna go all night, baby, come taste the danger. Turn it up tonight, come on, say goodbye. I'm a freak, freak, freak, I'm just a freak of nature. Our sounds are getting loud and I am covering your screams. From the couch to the ground, just sleazing in the streets. They call the cops, but baby, we're not scared. What's it gonna do? They'll just pat us down and touch us down there. Getting ready for the club, sexy, but it isn't love. I'm just a freak, freak, I'm just a freak, freak. Thrust our bodies up and down, wanna kiss your play. I'm just a freak, freak, I'm just a freak. Baby, read my lips, I'm a freak of nature. Wanna go all night, baby, come taste the danger. Turn it up tonight, come on, say goodbye. I'm a freak, freak, freak, I'm just a freak of nature. Freak of nature. Slow it down. Freak of nature. Everyone's got something to say, but no one's gonna rain on my parade. I'm much more than you think. You're just the freak slicks. You're just the freaking haters. Haters. Haters. Getting ready for the club. Sexy, but it isn't love. I'm just a freak. Freak, I'm just a freak, freak. Thrust our bodies. Chris Crocker. And what? Bitch, please. 19h30, 20h, Music and the City sur Fadjet. En France aussi, on sait trouver de fortes personnalités. Et surtout dans nos télévisions. Les anges de la télé-réalité est un exemple. Et la plus déjantée, d'ailleurs, de ces personnalités, qui est-elle ? Eh bien, c'est celle à qui on prête actuellement une idylle avec Michel Polnareff. Bon, remarquez, ils ont quand même tous les deux cette même crinière de diamant. Hein. Mais rassurez-vous, non. Afida Turner n'est pas en couple avec le capitaine, bien qu'ils aient été aperçus tous les deux ensemble à plusieurs reprises. Peut-être un duo en préparation. Et pourquoi pas ? En tout cas, l'ex Leslie Mess de Lost Story a toujours su bien s'entourer. Peut-être une manière détournée aussi de nous le faire comprendre dans sa chanson Come With Me qui est sortie en 2011. D'ailleurs, elle a proposé il y a quelque temps une version longue inédite de cette chanson. Et c'est quand même vachement bien. Je suis très heureux d'ailleurs d'avoir pu la récupérer et je la remercie pour ça. Alors mesdames, c'est le moment de chausser vos barésies. Messieurs, c'est le moment d'admirer. Parce qu'on est sur Fadjet, dans une spéciale excentricité musicale, et un moment coquin avec Afida Turner, ça ne se refuse pas. Come with me, let's go. Take over the blood. No shame. This game. Will never be too much. Close your eyes, feel it inside. Let the music guide your way. Close your eyes, let's subside. Here's where I wanna stay. That's how I feel when you're around. Be staying. I need to know you'll never leave. Music in the City sur Fadjet. L'émission se termine avec l'excentrique Afida Turner et son tube planétaire Come With Me. Je vous rappelle, comme chaque semaine, que vous pouvez me retrouver sur le Facebook de l'émission Fadjet-Music and the City et également la rediffusion du podcast, le podcast sur Fadjet et la rediffusion le samedi à 18h30. Je ne vais pas y arriver ce soir, il était grand temps que cette émission se termine, tout du moins pour moi. En tout cas, vous, vous êtes invités à continuer à écouter Fadjet ce soir parce que plein de programmations arrivent sympathiques et surtout ce jeudi, vous aurez Vinyl Maniacs avec la Miguel et ça, ça fait toujours plaisir. Voilà. En attendant, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Écoutez de la musique, surtout, c'est très important et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.